Uma hora da tarde. Bonne année! Bonne année! Meilleurs vœux à tout le monde! Ce sont les vœux de Capa Negra! En cette nouvelle année, le groupe Capa Negra se lance un grand défi puisque nous organisons une soirée dansante le samedi 19 janvier à partir de 19h30. Où ça? À la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Et c'est quoi comme grand événement? Eh bien, c'est une soirée dansante avec un repas. Au menu de ce repas, lombo de porco. Enfin, sozinhas. Alors venez très très nombreux soutenir notre grand projet de 2019 qui est un album au nom de Capa Negra. Venez très très nombreux le samedi 19 janvier à partir de 19h30 pour ce grand repas dansant. Au programme de ces festivités, il y aura le groupe Ventania Musical et bien sûr Capa Negra. Vos clics à vos réservations, vous pouvez dès maintenant réserver au 06 61 14 57 05 ou bien directement sur la page Facebook. En quelques clics, vous pouvez réserver en ligne. Bien sûr, pour ceux qui viennent pas au repas, après, vous pourrez venir nous rejoindre et faire la fête avec nous. Bien sûr. Puisque cette soirée va essayer. C'est la bomba. vivemos em flor, no olhar a inocência do amor. Moravas por ali, perto de mim. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tu au lycée. Michel, eu não me esqueci. Super, parfait. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent, et souvent tu chantais. Là tu peux le dire. Oh yesterday. À toi. Docemente o tempo passou e o teu amor por mim acabou e ficou por aí. Nunca mais te vi. Que de moi, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Yeah. Talvez tu penses que acabou. Mas não, apenas um descanso eu dou ao meu coração. Talvez tu penses que eu falhei. Vais ver que um dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu. Deslizando ao teu sabor, serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo onde eu for. E se tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit. Les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit. Ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant sous le vent. Talvez tu penses que eu mudei, mas não. Sous le vent. Pensando-se. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi à l'instant. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi à l'instant. É noite na cidade, a solidão me invade. Nenhum olhar, nenhum sorriso. Está tudo cumprido, não é cumprido? Procuro em desespero um coração sincero e sem esperar vejo-te a ti. Ponto, João Paulo. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será um mundo. Pois só uma mulher nos mostra e nos faz ver a verdadeira luz do amor. Amor como nossa vida internacional. Sur mon écran de verre, des hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. T'en as combien toi? Moi aussi. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Et l'amour sera le premier. J'ai pas raison. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. En français cette fois, comme ça on peut comprendre. On vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre vie? Maintenant laissez la place, vous verrez où elles passent. Elles en feront un paradis. Des très jolies femmes ce soir. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Et l'amour sera le premier. Ah ouais. J'ai besoin d'une femme, une seule, hein, pour réchauffer mon âme. Enfin, et me montrer la vérité. Non, non, je rigole. Par contre, je vais pas danser avec toi parce que. C'est non, non, non, non, non. Allez, public avec nous. Attention, pour la première fois de la vie, je chante en portugais. Attention. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiver será um mundo bem melhor. C'était bien. Tant qu'il y aura des femmes, le monde sera plus sage, l'humanité sera sauvée. Ouais, je pense aussi. Tant qu'il y aura une femme, j'aurais envie de croire que l'amour sera le premier. Ouais. Longue vie à l'amitié franco-portugaise. Hoje anjinho, amanhã uma mulher. O teu caminho vai ser tu a fazer. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai. O coração le sang d'une paille. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Victor, le remplaçant de Nicolas. Nicolas étant absent aujourd'hui, je vais le remplacer pour faire une petite émission spéciale franco-portugaise, on va dire comme ça, quoi. Os meus amigos dizem que ando triste. Preciso alguém depois daquela de quem me vai fazer esquecê-la? Quem será? Quem me vai dar a alegria que ela deu e já não dá? Quem será? Alguém me diga quem será? Os meus amigos dizem que eu preciso amar alguém para voltar a sorrir. Mas quando lhes pergunto se haverá algum sorriso igual ao que eu perdi, dizem-me assim: quem será, quem será, quem será? Quem me vai fazer esquecer? Quem será?

estarei onde estiveres. Eu vou estar contigo sempre. Eu vou estar contigo. Montre-moi ma place sur ces pierres fleurs. Pour que j'oublie les jours d'avant. Pour que je proteste ton corps et ton âme des mirages que tu as. Je serai ta lune, ton repère. Se te queimar o sol na tua solidão, ou que tombe lá na Jossara. E se certeza já de nada tu tiveres, vá-me dizer. O que tombe lá na Jossara. Dis-moi si je peux couvrir tes épaules de voile d'or et d'argent. Sem fim, o nome chamavas mesmo ao pé de mim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Et on continue avec Paula Fernandez. Desculpa-me, já vou chorar. As luzes da cidade se clareando fotos sobre a mesa. Eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis. Eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Clareando fotos sobre a mesa. Eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho. Então eu volto a começar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não liga se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Pourquoi pas? Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Quand je me réveille, ces merveilles, je prie les roses, je prie les bois, les vertus, n'importe quoi. Je prie l'hiver quand il s'en va, ni tous les étoiles, ni la mer, ni le soleil, et ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour tout ça. Mais toi le ciel, tu n'entends pas. Mais toi le ciel, est-ce que t'es là? Yeah. le ciel, nous oublie pas. Je prie les hommes, je prie les rois, notre prison, d'être moins roi. Je prie les yeux, les yeux des femmes, que les cieux ne voient jamais. Je prie l'amour et nos cerveaux, qu'on imagine et qu'on se bouge et sans trop compter sur là-haut. Meu pai dizia assim: tantas mulheres puras. et nous continuons avec Christophe Willem, Double Jeu. We'll be right back. tacata, de mulher para mulher. De mulher para mulher, sem segredo nenhum. Fala-me desse amor que me deu, esta dor que a ti deste também tu. De mulher para mulher, tenho pena de ti. Só te posso dizer, não há nada a fazer se ele te fez o mesmo que a mim. Ai, diz-me se ele também te jurava, não havia mais ninguém. Se ele também te falava para sempre crer-te bem. Se ele também te agradava com mil formas de prazer. Secondly, you think I'm not.

continuons avec Grégoire en souvenir de nous. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi. Et j'ai beau me redire que tout ça passe, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence voit. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'espère une minute. J'aurais dû t'avouer bien avant ton départ à quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guide nos pas. J'espère une minute ou même une dispute en souvenir. J'implore tous tes mots, même tes mots de trop, en souvenir de nous. Donne-moi une minute, même une dispute, en souvenir de nous. Je ferme la paupière et pose ma main sur nos morceaux d'hier perdus dans cette mer. Et j'implore le ciel qui me donne des ailes en souvenir de nous. Oui, j'implore le ciel qu'un jour tu me reviennes en souvenir de nous. J'implore une minute ou même une dispute en souvenir de nous. J'implore tous tes mots. nós deixarmos tudo de cena. Et les chercheurs d'or, si on en trouve, on cherche.

que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Basta balançar. On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent. Un vieux poster de Saint-Étienne. Maman ? Des mots qui nous ont démolis. Des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. Semés dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachés là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Alors, il y a une petite offre d'emploi. Hein. Une entreprise du bâtiment située à Ingré recherche en urgence des ouvriers dans le ravalement ou la maçonnerie. Et la maçonnerie, pardon, avec expérience, serait souhaitée. Sinon, la formation serait assurée. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Radio 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. N'hésitez pas pour plus de renseignements. Sur la plage Coco Caline, ton corps si vague, sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noire. Je te veux.

feito. Já não estou só com este morcão, agora estou mais satisfeito. E eu vou cantar deste jeito, eu vou cantar deste jeito, que eu sou um tipo porreiro. Reparei cá para Miranda, que eu sou um tipo porreiro. Estou no meio destes dois a fazer de galheteiro. A moça é muito valente, mas não deve chegar para os dois. Miranda, vamos dividi-la, que o canário é inteligente. Oh Marta, anda para aqui, anda, tu põe-me a mim quente. Ficas tu com a parte de trás e eu com a parte da frente. Ficas tu da cinta para baixo, para mim é da cinta para cima. Ela! Atrás tem um bom forninho e à frente o micro-ondas. E tu é da cinta para cima, olha lá o seu morcão. Outra vez. Agora é que eu estou a ver, olha aí cá o figurão. Quer ficar com a leitaria porque tem cara de mamão. Cantiga de primeira, canário não a quero dividida, eu para mim quero a inteira, eu para mim quero a inteira, e a cantar à desgarrada, e para ti, ó meu amigo, a cantar à desgarrada, olha, está-se mesmo a ver, a ti não te toca nada. Fátima Lopes, eu vou-vos dizer porquê. Digo isto que sou experiente, já vos disse há bocadinho, deixou o povo contente. É um regalo ter ao nosso lado uma mulher tão sorridente. E agora, para terminar, boa tarde a toda a gente. moins d'hiver. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Les galets, le vent dans tes cheveux défaits. Arc-en-ciel. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait. Oui, bah alors, comme je disais tout à l'heure, une entreprise du bâtiment située à Gré recherche des ouvriers dans le ravalement et dans la maçonnerie. Avec expérience serait souhaité, sinon une formation sera assurée. Hein. Si vous êtes intéressé, merci de contacter la radio au 02 38 43 48 00. L'amour comme s'il en pleuvait. Nul sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans des filets. A tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans le moindre rêve où tu t'attends. L'amour comme s'il en pleuvait. Nul sur les galets. On s'envolera du même quai. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après. Mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits. À tous les plafonds de tous les palais. À tous les murs que je trouverai. Juste en dessous j'écrirai. Que seule la lumière pourrait. Je t'aime et je t'aime.

chegar, você vai ver. Tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio

linha. Com rosa redonda a saia que fica bem de dor. Vocês! Olha a roda que ela tem. Lindo! Olha a roda que ela tinha. Com rosa redonda a saia que fica bem de dor. E depois de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram caminho. Eram esperados, sabem onde? Bora, sticks! No baile da Dona Esther, foi uma semana passada. E aqui foram dar com o chofré a dançar com a criada. Dizia ela baixinho: na brisa és bestial. Eram pra incerto e pico. Mas é melhor que tal, ai não é? Eram pra incerto e pico. Oh, ah, com isto? Que horas é que eram? Eram pra incerto e pico. Também eu queria. Sabem que horas eram? Era meia-noite, cantava um pouquinho. Era meia-noite, um pouquinho cantava. Meia-noite cantava o cuquinho. Cucu, cucu. Eu sabia. No alto do ninho. Você. Era meia-noite cantava o cuquinho. Era meia-noite o cuquinho cantava. Era meia-noite cantava o cuquinho. Cucu, cucu. No alto do ninho. Não há cucus que possa viar. Muito obrigado a todos. Era meia-noite o cuquinho cantava. Era meia-noite cantava o cuquinho. Cucu, cucu, no alto do ninho. E o Zé foi pôr a Rosa à casa, voltou para o baile, encontrou a Carolina, que era uma antiga paixão, que lhe pergunta se ainda se lembra da saia que ele tanto gostava. E sabem o que é que o Zé diz? Sim, Carolina, oi, eu ai. Sim, Carolina, oi, meu bem. Sim, Carolina, oi, eu ai. Sim, Carolina, oi, meu bem. Sim, Carolina, oi, eu ai. Sim, Carolina, oi, meu bem. Mas a saia já não era a mesma, aquela que o Zé tanto gostava. Sabem como é que estava? Era assim: a minha saia velhinha, toda rotina de andar a bailar. Agora tenho uma nova, feita na moda para estrear. Lindo! Agora tenho uma nova, feita na moda para estrear. E o Zé agora olhou para o fundo do bailarico, viu uma mulher a chorar. Era o marido que lhe batia. Sabem quem era o marido? Era este: Sebastião come tudo, tudo, tudo. Bora! Sebastião come tudo sem mulher. Sebastião fica todo barrigudo e no fim dá pancada na mulher. Sebastião come tudo, tudo, tudo. Sebastião come tudo sem mulher. Sebastião fica todo barrigudo e no fim dá pancada na mulher. E então o Zé foi buscar a mulher do Sebastião, puxou-a para a pista, deu-lhe um beijo e disse: vem daí, mulher! Deixa-me passar esta linda brincadeira. Deixa-te, vamos bailar o bailinho da madeira. Aqui! Deixa-me passar esta linda brincadeira. Deixa-te, vamos bailar. Só vocês, com mais força, vá! Deixa-me passar esta linda brincadeira. Deixa-te, vamos bailar o bailinho da madeira. Nana, comigo assim, olha! Deixa-me passar esta linda brincadeira. Que a festa do São José do Minho vai durar a noite inteira. Deixa-me passar esta linda brincadeira. Que a festa do São José do Minho vai durar. Vá lá conosco agora! Deixa-me passar esta linda brincadeira. Está muito abraçadinhos. Eis que a mulher de Sebastião se chega ao Zé e ao ouvido pergunta: ó Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que o Zé diz com a maior lata deste mundo? O trabalho é pro burro, eu não quero trabalhar. E agora... tornou a rasgar. Perdi a cabeça, virei com a velha pernas para o ar. E agora cansei com uma velha da ponta do sol. Deitei a minha cama, o raio da velha rasgou a sol. Sua cola! Tornei a deitar, tornou a rasgar. Sua maluca! Perdi a cabeça, virei com a velha pernas para o ar. Vai lá conosco! Cansei com uma velha da ponta. Et on continue avec Claude François, Alexandrie et Alexandra. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les mille si tu ne me retiens pas. Je boirai tous les mille si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Barque sur le Nil, oh, Alex

Et on continue avec Bandalouz, Na Pontinha do Pé. Beijar, que doçura de mulher. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Un jour sur Je t'aime, dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system. Des héros vus et connus. Moi de la rue où je suis né, mais nos sangs sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee, de Belle-Île en mer ou de Lucie. Sentimentale femme, je vous aime, c'est la vie, mon chéri. On a nos Mistral gagnants, Aline sur le sable blanc. Mais y'a des embouteilleurs dans nos cœurs à tous les âges, mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même. Quelque part, peut-être dans une boîte de jazz, du teint tous européens. Est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur. Peut-être en apesanteur. Vous vivez d'espoir, comme un manouche sans guitare. On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. En public, on est le star system. Des héros vus et connus.